Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'espoir de la coalition Amizero ya Barundi suscité par un début sans incident de la campagne référendaire s'estompe. La coalition déplore déjà 15 arrestations. Et le parti prenant engagé dans la campagne pour lui dit que tout va bien sur terrain. Le président de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale a été arrêté ce matin. L'objet de son arrestation serait le sujet de la conférence de presse qu'il allait animer. Et les équipes Messaging Ngozi et les Dualidik sont les favoris pour gagner le championnat Premier League. C'est à deux matchs de la fin de cette compétition. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. 15 personnes membres de la coalition Amizero ya Barundi ont été arrêtées ce dimanche, accusées de battre campagne pour le non. En commune Mutambo de la province Bujumbura, Pierre-Célestin Dikoumana, président du groupe parlementaire Amizero ya Barundi, qui le dit, déplore les arrestations et intimidations auxquelles font face leurs membres et trouve que l'espoir qu'avait suscité le lancement de cette campagne n'a duré que le temps de l'arroser. Il s'indigne également de la passivité de l'administration et de la CENI. Je vous propose de l'écouter. Nous avions l'espoir au début, quand nous avons ouvert la campagne en Ngozi. Il y avait quand même un signe d'espoir parce qu'on avait tenu cette campagne, cette ouverture-là sans casse, sans entrave. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Ça n'a duré qu'une seule journée. Le lendemain, nous avons commencé à entendre des menaces ici et là, des arrestations même. Je citerai l'exemple de Bururi. On a arrêté des gens et dans Bujumbura, on a arrêté des gens. À Gitega, donc presque partout, on a entendu déjà des intimidations, mais aussi des messages de menaces. Je vous donnerai l'exemple de quelqu'un qui a écrit à la plupart de nos membres de la commune Nyabiraba, qui leur disait que s'ils continuent à enseigner pour le vote du non, qu'ils seront obligés de les mettre dans les rivières. Est-ce que vous pouvez donner des cas concrets? Des cas concrets, je vous donnerai l'exemple d'hier. On a arrêté 15 personnes dans la commune Mutambu et ces personnes ont été arrêtées au vu et au su de l'administration. Ils sont arrêtés uniquement parce qu'ils ont été soupçonnés de battre campagne pour le non. Donc on dit qu'ils tenaient une réunion pour préparer la campagne du non, comme s'ils n'avaient pas ce droit. Nous sommes dans la campagne, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans la campagne du non et du oui, et que chacun a les mêmes droits. C'est un exemple d'une seule commune, et c'est un cas concret. Ce qui est encore plus grave, vous avez entendu quelqu'un qui s'est prononcé comme quoi il serait de la coalition Amizero ya Barundi et qu'il souhaite inviter les Burundais à voter pour le oui. Donc, un parvenu qui vient comme ça, qui n'est pas enregistré au niveau de la CENI, dire qu'il est de la Amizero ya Barundi. Imaginez-vous si quelqu'un viendrait et dirait qu'il est du CNDD-FDD, qu'il souhaite que les gens votent pour le non à la Constitution. Imaginez-vous ce qui lui arriverait. Vous avez justement porté ce cas devant les autorités administrative et devant la CENI, et quelle a été la réponse? Mais bien sûr, ils savaient ça. Pierre-Célestin Dikoumana, il est président du groupe parlementaire Amizero ya Barundi. À ce sujet, la Commission électorale nationale indépendante nie avoir été contactée. Et le parti Prona salue le déroulement de la campagne référendaire. Olivier Nkunuzi, sa secrétaire et porte-parole de ce parti, affirmait que les membres de son parti ne rencontrent pas de difficultés sur terrain. Cependant, il recommande à la Commission électorale nationale indépendante de veiller au respect de la loi en cas de litige. Suivez-le. Au niveau du parti Prona, d'abord, nous remercions les administratives, mais aussi les Badafigana, parce que aujourd'hui, on n'a pas encore rencontré aucun problème sur le terrain. Même le terrain où nous faisons des campagnes, il n'y a pas aucun problème. Nous y arrivons toujours avec un bon climat, mais aussi, nous trouvons que les administratifs ont disponibilisé les places sans contrainte. Et nous encourageons les administratifs, mais aussi d'autres partis politiques, de continuer de créer un climat serein pour que cette campagne soit une campagne de paix et pour arriver dans le scrutin du 17 mai 2018, il n'y aura aucun plein au niveau des responsables des partis politiques ou des acteurs politiques qui sont filtrés pour le moment. Au sein d'autres organisations, on fait état de certaines perturbations de leurs activités. Au sein de l'IPRONA, quel est le message auprès de l'administration et auprès de la CENI? Au niveau du parti IPRONA, le message reste le même. C'est de respecter les lois et les règlements qui régissent toujours le jeu de la campagne. Au niveau du gouvernement, au niveau des administratifs, mais aussi au niveau de la CENI, nous leur demandons de suivre de près tout ce qu'ils peuvent créer un climat malsain au sein des membres des partis politiques ou des acteurs politiques qui sont sur le terrain. Olivier Nkurunziza, porte-parole du parti IPRONA. Et le parti UPTS Gamibanga fait une évaluation positive des 5 jours de la campagne pour le vote référendaire lancé le 2 mai. Le président de ce parti indique que partout où il a été avec son collègue, la sécurité était garant et l'accès au terrain de campagne a été facilité. Abdoul Kassim salue le comportement des politiciens une fois et ils se croisent en pleine route avec des couleurs différentes. Je vous prie de le suivre. Il a été joint au téléphone par Placide Niyomungere. Notre appréciation que nous avons faite depuis le début, c'est qu'elle est largement positive. On a vu la population qui répondait massivement et on a vu les couleurs qui se croisaient dans les rues. Il n'y a pas eu d'incident. Nous avons par exemple à Kayanza croisé la coalition Mizuré à Baroun. On se côtoyait comme des frères. Nous devons aussi remercier les forces de l'ordre qui encadraient vraiment de façon satisfaisante nos manifestations. Au niveau de l'accès aux endroits que vous aviez planifié, est-ce que l'accès est facile? Nous n'avons pas eu non plus de difficultés à accéder au terrain parce qu'au niveau des communes, quand il y a plusieurs demandes, on privilégie la demande qui est arrivée en premier. Sinon, l'administration vous propose un autre terrain. À notre avis, nous en sommes très satisfaits. Même son de cloche au niveau du parti Savonia Frodebou. Toutefois, Léon Sengedakoumana, vice-président de ce parti, indique que ses militants avaient commencé à afficher une peur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et demande à l'administration et au démembrement de la CENI de continuer à traiter au même pied d'égalité tous ceux qui battent la campagne référendaire. Je vous prie de suivre Léon Sengedakoumana qui a été joint au téléphone par Placide Niyomungere. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore constaté d'incident particulier. Il est vrai qu'au début, nos militants étaient très inquiets des discours qui avaient été prononcés ici et là contre ceux qui enseigneront à voter non. Mais je constate que progressivement, que ce soit nos militants, que ce soit l'administration, ils sont en train de s'habituer à la tolérance de toute façon jusqu'aujourd'hui. Même si nous apprenons au moment où je vous parle que à Rumonge, certains de nos militants sont en train d'être marmenés. Nous allons entrer en contact avec l'administration locale pour que cette question soit vidée. En pleine campagne, est-ce que vous êtes sécurisé? Les places que vous avez préconisées, l'accès est facile? Je dois avouer que nous n'avons pas encore rencontré de problème. Les endroits sont sécurisés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous en profitons pour demander au pouvoir public, aux forces de l'ordre, de tout faire pour que ceux qui sont chargés de la sécurité et de l'administration le fassent de la même manière pour tout le monde. Comme il le faut pour le parti au pouvoir, il faut qu'il le fasse aussi pour nous de l'opposition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Sur la page de justice, le président de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, a été arrêté par la police dans l'avant-midi de ce lundi. C'est au moment où il s'apprêtait à animer une conférence de presse sur l'enlèvement des enfants. Selon les informations qui nous sont parvenues, Prime Mbarukeye a été relâché peu après son arrestation. Les propriétés foncières de certaines personnes parmi la population d'Okirungu en commune Evianda de la province Bururi glissent dans la vallée de la rivière séparant cette colline et celle de Mirango. Dans cette même commune depuis la matinée de ce vendredi. Les victimes de ce glissement de terrain craignent que leurs habitations ne soient affectées et demandent une intervention rapide des experts en environnement et en gestion des catastrophes. Jean-Pierre Misago, correspondance. Nyandwi Bertin habite non loin de cette localité affectée par ce glissement de terrain. A peur de se retrouver un bon matin dans la rivière Nyendonga. Pour lui, l'administration devrait venir au secours des victimes de ce glissement qui ont perdu du manioc, des palmiers à huile, du haricot et les rassurer en ce qui est de la probable avancée ou non de ce phénomène. Même son de cloche chez Minani Jackson, chef de secteur Kirungu, qui indique que près d'une dizaine de hectares appartenant à 16 ménages sont concernés. Selon son chef culinaire, il est urgent que des experts en environnement s'y rendent pour décider s'il faut ou non déplacer les ménages installés à moins de 200 mètres de cette zone affectée. En attendant que la police de la protection civile n'y fasse le terrain, Dieudonné Nkezimana, administrateur communal de Vianda, demande à la population concernée de ne pas s'y aventurer pour une quelconque récolte, le terrain continuant à glisser. La rivière Nyenonga, qui avait vu son lit bouché pendant près de 10 heures, a pu se créer un passage. Ce qui n'a pas empêché qu'un petit lac d'annoyage se forme sur près de 200 mètres de longueur. Jean-Pierre Misago, depuis Kirungu, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Et sur la page économie, le taux de change de devises est en nette diminution dans certaines maisons de change de la ville de Bujumbura. Au marché noir, le dollar américain est acheté entre 2000 et 2420 francs burundais et est vendu entre 2430 et 2440, alors qu'il y a trois mois, il était acheté à 2700 francs burundais et vendu à 2900 francs burundais, selon Monique Kayibanga, qui a fait des études commerciales. Une des raisons de cette diminution du taux de change serait les exportations qui auraient augmenté, occasionnant une disponibilité de devises. Gertrude Mawenayo a fait le tour. Dans la plupart des maisons d'échange ici à mairie de Bujumbura, le dollar américain s'achète entre 2000 et 2420 francs bou, selon qu'il est constitué de petits ou de grands billets, comme le disent certains commerçants de devises travaillant dans ces bureaux d'échange. Les petits billets, c'est-à-dire de 1 dollar, 10 et 20, s'achètent entre 2000 francs et 2350 francs bou, et les grands billets, c'est-à-dire de 50 et 100 dollars, entre 2400 et 2420 francs burundais. Quant au prix de vente du dollar américain, il varie entre 2300 et 2440 francs burundais. La situation est la même chez les commerçants de devises sur le marché noir. Comme le disaient ces commerçants, il y a trois mois, le dollar américain s'achetait entre 2700 et 2900 francs bou. Monique Kayibanda, qui suit de près la gestion et l'administration des affaires, retrace certaines des réseaux qui seraient à l'origine de cette chute des devises par rapport au franc burundais. Les raisons sont multiples. On peut parler des raisons fondamentales, on peut parler aussi des raisons spécifiques par rapport à un pays ou par rapport à une situation donnée. D'une manière générale, c'est ce que je dirais parce que spécifiquement pour le cas de Burundi, je ne saurais pas le dire, il faudrait demander à la Banque centrale ou bien au ministère du Commerce. Mais d'une manière générale, on peut parler que peut-être, on ne va pas parler de la chute de monnaie, peut-être cette valorisation de notre monnaie est due à la stabilisation de la monnaie, donc la stabilité du pays. Ça peut être dû à l'importance de la richesse que nous avons aujourd'hui, qui peut-être a connu le pays. Ou encore, on peut parler de la croissance économique par rapport à la production, par rapport aux échanges qui peuvent se faire, soit qu'on a eu des marchés internationaux là où on pouvait vendre nos produits à l'international, ou encore une stratégie du pays qui pousse à la valorisation de notre monnaie, ce que nous remarquerons et qui sera une bonne chose. Nous avons essayé de contacter le ministère des Finances pour plus de détails sur cette situation, mais nous n'avons pas encore pu les rejoindre. Merci à Gertrude Mawenayo. Et sur la page transport, l'avenue Tawa du quartier Charama de la commune Narangwa, nous sommes à mairie de Bujumbura, est devenue impraticable ces derniers jours. À l'origine, ce sont des inondations causées par la rivière Gasenyi. Les habitants de cette localité demandent au gouvernement de réhabiliter cette avenue pour faciliter la circulation. Et sur la page sport, à deux matchs de la fin du championnat national en première division Primus League, seules les équipes Messager Ngozi et Ludia Lidic ont la chance de remporter cette compétition. En deuxième division, les équipes de Lukinzo FC et Kayanza United ont déjà validé leur billet pour participer dans le championnat national Ligue A. Les détails avec Namia Ndaikej. Le championnat national en première division Primus League était à sa 28e journée ce week-end. Au moment où ça reste deux matchs pour que ce championnat se termine, deux matchs qui étaient très attendus par les amateurs du football, était celui qui a opposé l'équipe Lydia Lidic contre l'équipe Interstar qui ont fait match nul et l'équipe Messager Ngozi contre l'équipe Ngozi City. C'est l'équipe Messager Ngozi qui a remporté le match par 2-0. La formation de Messager Ngozi vient en tête du classement provisoire avec 66 points, tandis que l'équipe Lydia Lidic, qui a encore un match de retard, occupe la deuxième position avec 63 points. Messager Ngozi et Lydia Lidic sont les deux équipes qui ont la possibilité de remporter le championnat au moment où l'équipe Aigle Noir vient en troisième position avec 56 points. Dans la deuxième division, le championnat a continué à sa 13e journée où la formation de Kayanza United a validé le billet de participer dans les compétitions de la première division pour la prochaine saison après avoir battu les Crocos sur un score de 3-0. L'autre équipe qui s'est déjà qualifiée pour aller dans la première division, c'est l'équipe Lukinzo FC malgré sa défaite de 2-0 face à la formation de Transport. Du côté filles, le championnat a aussi continué à sa 7e journée où deux équipes ont pu encaisser beaucoup de buts. Rainbow a battu Christ 3 de Gitega 3-0 au moment où la formation de PVP Buyenzi a corrigé Ubuntu FC 5-0. C'est sur cette actualité sportive que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les grands titres. L'espoir de la coalition Miseruya Barundi suscité par en début sans incident de la campagne référendaire s'estompe. La coalition déplore déjà 15 arrestations et le parti Prona engagé dans la campagne pour le oui dit que tout va bien sur terrain. Le président de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale a été arrêté ce matin. L'objet de son arrestation serait le sujet de la conférence de presse qu'il allait animer. Et voilà, c'est la fin de cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi.